n'ai jamais mis les pieds dans une église. Je ne sais pas prier. Des prières, on ne m'en a jamais apprises. Non, jamais. Jamais, devant personne, je n'ai mis un genou à terre pour supplier. Oh, pour elle, oh, moi je te donne ma pauvre vie, mon Dieu, si tu veux la sauver. Par tous les péchés de la vie, et rien qui ne se compte.